madame ni tombe, madame Bertier tombe dans la rue à tort pour rejoindre Maril. Mais et major ou mette tout puissant l'air, tout le monde n'a pas qu'à dire rien parce que c'est le bagage qui s'en cachette pour dire madame non, que c'est major ou mette sorti avec Bertier, avec Canès. Mais n'a pas qui a parlé fort. Eh bien, c'est Mbasson, j'ai qui arrestation qui te gagné dans Kafou même et que le capitaine Henri Tassi trouvé vin paraître ensemble avec Lorius Met vin paraître dans mitan Kafou. Donc allez qu'il est madame non prend chaîne c'est là pour Maril mouri Maril qui était cinq petites nan men pour le joindre pas ka joindre. Donc tombé fait scandale yo fait madame non monter machine, m'bakadou si c'est devant président te menen, si c'est d'aide au président, m'bakadou, mais pour madame nan te ferme un bouche li, yon ferme yon ba madame nan yon l'argent pour manger petit li, pour ferme un bouche li à ce sujet. Qui fait pour jusqu'à maintenant, Bertier pas jamais présenté, ni Canès pas jamais présenté, donc, et que c'est par la voix indirecte, nous venons connaître que c'est mon bateau, major ou mais, rentré dans le bateau, dans le bateau, dans la route là. Il y a les messieurs, tant que je dis que quelque chose qu'il découvrit. Et puis c'est là, il ne faisait ni Bertier, ni Canès, ni Boss qui t'a manœuvré. Et appareil et soudi à l'étogène. Donc, et que pour voir un nommé, personne n'a pas dit rien. Parce que à ce moment-là, de Major Franck Roumet, paraît dans le palais, c'était pareil, il était relé. Et assassin pareil, il y a. Président Duvalier, c'est passé maintenant pour parrain, l'Albama parrain n'importe qui menti, l'a dit n'importe qui bagaille. Donc c'était comme ça. Qui fait nous souffrir toute bagaille ça yo va me dire mais quand Babouquette la vienne tomber là moi-même personnellement m'pas de quoi ni la famille Théodore m'pas de quoi la famille Vieux m'pas de quoi la famille Yobé moi-même personnellement m'suis responsable pour me condamner Franck Roumet jusqu'à l'instruction faux parce que raison pour laquelle et que moi poser plainte moi y aurait la police moi bail déclaration tellement que major Franck Roumet répond dans question que m'ta posé il dit moi que le songe que le t'a arrêté certain William Théodore même côté a fait greffier tribunal d'enquête là écrit moi ça me dit écrit pour moi Major Rebut, qui était en chef d'enquête là, et il était un sous-lieutenant, qui était greffier, qui a écrit, m'a demandé Major Rebut pour écrire, moi, ça que assassin Franck Roumet répond que il dit que le songe qu'il t'a arrêté. Il y a un certain William Théodore. Donc, moi-même, il dédie, il dit que le passant, je l'ai poussé d'arrestation. Même quand il dit ça, moi-même, demandé président d'enquête là encore pour voyer chercher cahier de garde dans Post-Kafou, mois d'avril 63. 27 avril 63, vous cherchez cahier ça pour ouais que signature major côté il te fermé ouais. Or pour dire que le passant au résumé yo voyez mal dit que les yo besoin y a relem. Au résumé si yo relem c'est jodi a, c'est pas la voisin direct entendez que yo fait connait ça c'est la police. C'est la police qui dit, et c'est enquête, département d'enquête là qui dit, il dit que, et que et la famille Théodore renoncé, la famille vieux, renoncer la famille Yobé, renoncer à plainte que vous avez fait pour Major Francoumé. Mais moi, pas comprendre rien, tandis que la famille Théodore et la famille Vieux et la famille Yobé persistaient en rien dans la disparition de ce monsieur-là. Donc c'est moi seul qui était victime que vous arrêté. Si ce n'est pas la division, les consacres sont pas bon pour faire bouton. Donc en tout naturel, c'est ça que fait, moi vini ici, moi mandé que pour yon mandé, commission d'enquête là, tribunal d'enquête là, et que pour qui raison que yon te relèm la police, que pour m'te al poser telle question, pour te poser telle question, alors c'est ça que fait m'vin là, vin m'expliquer nous comment bail là. Non, l'el qui te à 2h15, li sorti dans le poste pour aller lamenter comme. Je viens de dire, et que, moi dis que c'est étant nous chita dans la poste là, que nous tendons les 5 cartouches relatées et la matin, donc à ce moment-là, et que, je ne pas dormir encore. À l'aise, depuis, dans le point bris, comme je te dis, moi dis encore que tu es couvre-feu, pas de camion. Qui pas gain au tout café tout donc s'il ferme pas de gain monde tout monde couché la caillou non est à silence donc naturel quelqu'un soit bria qui fait là nous tendel à clé tant comme d'adou c'est n'importe à retirer nous tendel m'étais là samedi 27 avril et dans l'après-midi c'est pour parler de histoire d'arrestation Hector Yobé. Hector Yobé, il est le fils de André Yobé. C'est petit André Yobé lié. Donc, il regarde, il voit papa sorti la caille depuis vendredi 27 avril. Bah, il a chaud. Il regarde, il voit papa pas rentré vendredi soir. Il regarde, il voit samedi matin. Il pas voit papa. Donc, à ce moment-là, la pralé sur les lieux Gressier, la li sorti Port-au-Prince, la pralé Gressier pour la louer côté papa lié. Donc, et que li rive dans poste Carrefour, li doit être 8h30 du matin. Donc, avec il est yo procédé arrestation et Hector Yobé à temps, yo fermé dans poste Carrefour. Or, là yo fermé Hector Yobé. Donc, il gagnait un certain Jusnet Cheribin qui de Gressier, origine c'est mon Gressier, lui habitait Gressier, l'habitait tout près avec papa Hector Yobé. Donc, l'entendait Hector Yobé, il procède d'arrestation Hector Yobé, il était occupé un grand rôle dans le gouvernement parce que c'était ami docteur François Duvalier. Donc, allez qu'il est, il vient Gressier, il vient Carrefour. Le temps de que Hector Yobé fait maintenant poste Carrefour, il vient. C'est juste ça à tout, samedi matin, que moi me reconnaître Cheribin, Jusnet Cheribin. Donc, c'est même jour ça à tout, moi reconnaître lui. Cheribin vient, l'a expliqué, Major Roumain, qui était accompagné et Edner Pajot, qui était accompagné et, un groupe de messieurs. Donc, la explique que Hector Yobé passait 9 mois et demi à papal pour affaire de la politique. Il dit que l'ité l'école, ça c'est Hector Yobé a expliqué ça, oui. Cheribin a expliqué, dit que Hector Yobé dit que le télécole aux États-Unis, il y a que deux mouns posent candidat à la présidence, yon fin élu, l'autre là qui victime, non? Donc, à l'équipe, il présentait toute doléance à ça qui remportait la victoire. Donc, il a collaboré pour faire payer au marché. Donc, et que l'Iwe Papa te posé candidat à la députation dans le camp de Ludéjoie. Ludéjoie perdit. Donc, il n'y a pas de raison pour la payer mené gonzizani li retourné que arrêté papa li li retourné bagay li dit pas accepter ça donc il parle pour papa le parler dans bagay comme ça donc il a été passé 9 mois et demi à papa li donc il pas mettre pied capable papa pour tête après politique donc konya si papa victime lui même c'est ça chéri ben vient défendre chéri ben dit que le pas ca victime parce que le pas accepté il pas d'accord papa donc chéri ben bad vrai, major men refusé. Major men même dit que c'est pour l'argent, c'est l'argent chéri ben a défendre dans mec toyobé. Donc, il refusé la gueule. Chéri ben même quitté ou dans ce gouvernement, chéri ben a joindre et président. Et que lui communique au président, l'explique au président, c'est si c'est là toute bagaille. Président et toyobé fait samedi 27, dimanche 28, lundi 29, mardi 30, mercredi 1er mai, et jeudi 2 mai, vendredi 3 mai, président récit accepter la guerre Hector. Donc c'est l'air la guerre Hector à toi, Hector vient connaître que papa le mourit. Il descend, Gressier lui ouais, ça assassin a fait. Non, coffre pour papa lui. Donc allez qu'il est, Hector vient en diable à toi, allez qu'il est qui fait, il tombe dans Zac que il t'est tombé. Oh, et que si chéribé t'es petit dans le gouvernement, et que Zol pas de bon pour faire bouton qu'on y a. Parce que beaucoup m'est appuyé chéribé pour avoir qu'il t'a demandé. Libérer Hector Yobé. Alors, mais c'est ça seulement que je connais. C'est-à-dire que chauffeur ambulance, comme je dis, je ne sais pas. Je me demande pour lui pendant que Babouquette est tombé là. Je me demande pour lui. Il est mort. Il a eu un autre garde encore, Vicesse innocent, qui était là. Il est mort. Il a eu Sauvé Joseph là, qui était caporal. Comme subalterne, c'est j'en ai pas ce qu'à il mourit tout. Il veut passer parmi Kalalou. Je vais arrêter pour jouer aujourd'hui. Il est Camille, il était lieutenant, il était arrivé lieutenant. Il l'a toujours. Il y a Sergent Kavanak, millionnaire, bon, qui était chargé de poste. Était... Mais oui. Sergent Kavanak est encore vivant. Et Sergent Kavanak vivant. Enfin, procédure, même Gadnan passé en dedans de Takabaïba, mais on ne connaît pas qu'on nous. Ce qui s'est passé, moi m'en dé. Commission d'enquête là, pour voyer chercher cahier mois d'avril 63, parce que je pensais que à la minute que yon procédé d'arrestation, yon individu quelconque, yon obtenu compte que pour yon rentrer non dans cahier immédiatement. Je pensais que c'est comme ça que ça fait depuis tout le temps. Or, et que mandé cahier ça, cahier mois cahier qui était dans poste Kafou mois d'avril 63 donc et que et puis m'fin baili comme ça bay déclaration mande cahier et que commission d'enquête répond moi oui que la prend plus formalité abcessé ancien attaché ça j'en ou fait tondel là monsieur était paré pour témoigner sous salte ouais mais autorité ou pas recevoir plainte li même Jean a campil l'autre assassin. Franck Romain te continue à marcher sous moun, sans répondre sous aucune accusation yote mette sous lui. Et 25 l'année après, Franck Romain te dans tête machine l'an mort qui t'a pral passé sous Saint-Jean Bosco dimanche 11 septembre 88 l'an. Franck Romain, ensemble avec Tonsa, ensemble avec Diver, nous offrions toute l'église d'Haïti, tout peuple haïtien et tout le monde qui solide à peuple là. Aidez-nous marcher, pour nous yon aider notre marché, marcher à croire pour délivrance l'arrivée un jour. Parce que quoi, c'est pas une croix libération, une croix résignation, mais c'est une croix libération. Faites marcher avec elle. tout partout et pour tout le temps qu'il y a temps. Amen. Remettre là avec nous tous. En nous levant qu'un nom bien beau. En nous dit bon Dieu qu'on mette nous en merci. Oui, on mérite ça réellement vrai. C'est un devoir pour nous, pour Dieu merci. L'on connaît qui j'en ou mérite merci ça. L'on est qui j'en ou pas accepter pour te porter un vieux quoi esclavage et ou pas d'accord pour te porter, mais c'est un quoi liberté ou côté et ou d'accord pour te porter. Pendant que Dieu merci, pendant que fait compliment pour vous, pendant que Dieu pour vous, nous voulons faire une seule voix avec toutes ces yeux pour continuer à chanter qui j'en ou c'est. Ou même qui aurait nous chaque pour nous vivre saint encore. C'est pas ni deux ni trois mounes qui t'ont perdu la vie, sans compter si la yo qui t'ont vente détripé, bras coupés à coups de fouet, coups de manchette, bras à rouge, franc comme yo. Jour dimanche 11 septembre 1988, ça, dans l'église Saint-Jean Bosco. Et c'est bien grand que monsieur qui était magistrat Port-au-Prince là, ça, t'es lagué sous victime yo, responsabilité massacre. J'ai une opinion, ça je l'ai. En tant que leader, j'ai une opinion. Qui sème le vent, récolte la tempête. Le père Aristide a toujours prêché la violence. Comme prêtre, il a prêché, il a poussé les gens à tuer et à tout faire. Or, aujourd'hui, ce qui lui est arrivé là, c'est peut-être et c'est le fruit de ce qu'il a, il a récolté, ce qu'il a semé. Et vous allez m'excuser, ça j'étais, je le dirai encore, j'étais très étonné. Et de vous entendre me poser une question concernant cette affaire. Mais cependant, si vous voulez mon opinion est que le problème, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est une affaire de prêtre à prêtre. Parce que vous avez certainement été mis au courant que ces bras à rouge portaient des inscriptions. Puisque moi, je suis au courant aussi. Vous avez certainement vu un échantillon. Non? Certaines. Je vous ai couru parler. Vous avez certainement vu un échantillon, cette affaire-là. C'est une affaire de prêtre et de prêtre, d'après ce qui paraît être. Vous voyez, s'il y a des gens de la mairie, des travailleurs de la mairie à être mêlés de cette affaire-là, mais c'est normal. Parce que je ne peux pas empêcher un employé chez moi d'être pour Aristide ou contre Aristide, pour à être catholique ou vaudouisant ou protestant, vous comprenez? Comprenez là, je trouve que vous êtes très, et ils sont très légers, ceux qui se font une opinion à partir du fait que certaines personnes auraient déclaré avoir vu des gens de l'Amérique. Si Duvalier met comme un coup de sous-pied après le premier débarquement en 1958, côté Pasquette, Pépillan et Dominique te perdit la vie, la machine la mort te dérapé en vent. Avant même l'Ichita sous pouvoir, François Duvalier te commandé premier massacre. Côté Saint Pep Belay te coulé, tout de suite après coup d'État contre le gouvernement provisoire Daniel Fignolet. Quand ça nous prend le temps de témoignage du ancien ministre gouvernement Unité Nationale Sahara que Fignolet a dirigé, c'est Emmanuel Amboise. En février 87, qui t'a rappelé ce qui t'est passé dans le moment où tu as arrêté Fignolé dans le temps d'un cabinet ministériel. Je dois dire que, comme témoin et comme victime, pour moi, duvalierisme nan son bagay ki gen des sens précis et qui prend forme certains événements que me vive. Des événements que me vive nan chair mwen. C'est ça que duvalierisme. Avant que me vienne tirer un concept, avant que me vienne tirer yon idée générale de tout événement sa yo, duvalierisme nan pou mwen, c'est yon série d'événements que me vive nan chair mwen. L'homme mwen, premièrement, mwen chita nan conseil de cabinet. L'oa mte ministre de l'agriculture. En face de Daniel Fignolet, président d'Haïti. Tout ministre entouré nous. Et une série officiers vini yo foncé dans sa là et yo mette tout moun en état d'arrestation. Moi pensé que c'est premier acte concret qui servit de point de départ pour du valérisme. C'est la brutalité, la négation, c'est-à-dire tout ce qui est contraire à, au respect que l'on doit à l'homme, que l'on doit à la société, que l'on doit à un gouvernement, c'est négation de tout bagaille ça. Or, c'est de là que duvalierisme prend sous lui-même une série d'officiers que moi gagné quelques noms en tête moi vini yo ramassé Daniel Fignolet comme un paquet de linge un bagaille sale yo parti avec lui yo prend nous yo mette nous en prison. Et puis le lendemain, et puis yo prend nous, y a le mettre nous en prison, nous passer nuit là dans prison. Et le lendemain, nous garder nous ouais Kebro qui te fait coup d'état pour Duvalier avec la complicité de Duvalier qui te gagné ministre en dans gouvernement. Parce que c'est un gouvernement d'unité nationale. Duvalier était ministre, Jumel était ministre dans le gouvernement, et il y a d'autres candidats qui étaient ministres dans le gouvernement, mais c'est un coup d'État préparé par Kebro avec Duvalier et pour Duvalier. C'est-à-dire qu'alors que il était membre du gouvernement, il était comploté contre le gouvernement et il mettait la kiboule, renversé le gouvernement par la force, il prend un homme comme Daniel Fignolet, l'embarqué, il fait le parti. Pour moi, c'est la première image, un bagaille solide, que moins que du valérisme lié. C'est-à-dire un mépris total de l'homme, de l'être humain, de la liberté, le mépris du respect, le mépris de toutes les valeurs. Pour moi, c'est ça qui est le premier geste du Valérie. Le lendemain de ce coup d'État, moi, ouais, toute une série de monde passé dans la rue au fond du cortège. C'était des duvalieristes et je vois Mounioré, les barons du duvalierisme, qui l'a encore et qui candidat à la présidence, passer dans le camion, dans l'automobile, avec mitrailleuse, yo pointé sous foule là, avec Kebro en tête, et tout baron duvalieriste qui a candidat à la présidence coulier, yo, derrière, ensemble avec Duvalier, yo passé yo traversé ville là pour faire connait que y a crasé tout le monde qui opposé à mouvement. C'est premier bagage que moi et le soir même que bois avec une série d'officiers sortis, yo monté belin, yo rentré dans caille moun avec un mépris complet, yo crasé nèg femme garçon petit en bas coute mitrailleuse pour terroriser yo. C'est à peu près ça nous sort gain tout à l'heure. Ouais mon été gros journée, yo foncé caille Benoît. Sam, yo longé sous madame, yo longé sous petite, mandé si a gonti ressemblance avec ça. Al caille Duval pour faire connait que vie ou pas rien, l'être humain pas rien, monde pas rien. L'on finit yo tuer même 3 4 5 000 moun, l'on finit c'est pas camion y a le jeté yo pour chita Duvalier. C'est point de départ là. Mais élection qui vient faite que Kébro fait. Élection Kébro a, nous connaissons bien que c'est un macacri. Que Kébro fait élection, il mettait officier li Saltou, Saint-Michel de la Talaye, il fait Duvalier passer. Et ces gens élection ça, m'a demandé moi si c'est pas ça qui menace nous. Alors, c'est ça du deuxième, premier bail du Valérisme. Mais, on l'autre bagaille qui est plus grave, maintenant, je vais dire comment je me sens dans 100 mains. Je prends frère main qui est membre de l'UNMES, Union nationale des maîtres de l'enseignement secondaire, avec d'autres camarades tels que Mario Rameau et beaucoup d'enseignants quoi confédération si on gagne hein, et obligé parti sauver tels que Maxence Claude Moïse et beaucoup d'intellectuels haïtiens obligé voler gardien yo prend frère main yo mène la police. Je suis capable de fusiller ou capable de fusiller un homme ou faire prendre un jugement même sommaire ou mandel trop gagné, mais c'est avec mépris, yo détruit li, yo boule li, yo boule gel, yo crève gel li, yo tue li. L'on finit yo tue madame ni. C'est pour moi, c'est tout bagay ça yo. Que moi dit que moi vive du Valériste là dans sang moi dans chair moi avant me chercher un concept intellectuel quoi ou intellectuel quoi je rappelle Charles capable faire mais même pas qu'on arrive dans ça du Valériste là c'est acte brutalité ça yo avec le mépris total de l'homme haïtien et la haine de l'intellectuel, du savoir, de l'honnêteté, de la droiture, sans aucun respect pour les valeurs humaines. Après premier Zaksayo, répression en pape suspend. Jour 26 avril 63, côté ancien attaché à te vivre en assassinat André Riobé, les frères vieux, William Télémac et jeune garçon inconnu, jour ça en pile l'autre monde te mouri tout. En pile monde mouri entre 57 et 63. Monde qui connu, moun non yo pa rete, gen dat ki yo même rete nan mimoa peuple haïtien. Jen Haïti en 1964, d'ailleurs yo te exécuté si vivant yo, Numa ak Douin, en public, devant ti moun l'école nan cimetière Port-au-Prince. Moun sonje massacre Jérémy nan l'année 1964. Nou gen yon témoignage sou yon lot assassinat nan l'année 64. Antonio Vieux, ancien ministre estimé, qui t'a refusé collaborer avec Duvalier, perdit la ville le 2 juin 1964. Dans l'année 87, madame Antonio Vier t'a témoigné. Ces types sont arrivés, ils ont commencé à lancer les chaises, un bruit infernal. Détruisant systématiquement. Oui. Et alors, ils dégageaient la porte et choses, parce que les portes étaient bien fermées. Ils étaient combien? Moi, je crois avoir vu 5 ou 6. dans mon chose. Et puis, et Antonio, d'entendre le bruit et de dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? J'entends encore le son, le timbre de sa voix. Mais attendez, on vient vous ouvrir. Et puis, il donc couché tard, fatigué, il avait dû semer ses pantoufles, je ne sais à droite ou à gauche, qu'il n'a pas retrouvé. Il est sorti de son lit en pyjama, pieds nus. Il a traversé ses bureaux, la salle à manger. Et moi, dans l'intervalle qu'il s'apprêtait à sortir, j'ai ouvert le commutateur de ma chambre. Quand j'ai vu, mes amis, cette horde de barbares avec casque, jugulaire, chaque mitraillette au poignet. C'était des militaires. Habillé en civil. Habillé en civil. Habillé en militaire. J'ai reconnu l'un d'entre eux qui est militaire. Habillé en civil. Chacun tenant sa mitraillette. Et puis, j'ai eu peur. J'ai éteint les lumières. Et je suis resté debout, glacé au milieu de la porte qui communiquait ma chambre, la salle à manger. Ils m'ont dit, lumière foute. J'ai rallumé et je suis resté debout là. Hein, et debout, j'ai vu Antonio qui sortait de sa chambre, pieds nus, en pyjama de nuit, en pyjama léger, car c'était le 2 juin 1964. Il est sorti crânement, il a traversé la salle à manger, il est arrivé au salon. Au salon, les types l'ont entouré. Et puis, je l'ai entendu de sa voix métallique dire son nom, Antonio Vieux. Ils ont fouillé les moindres bouts de papier, le bureau, ils ont enlevé les matelas renversés, ils ont fouillé l'armoire, les questions de bibliothèque. Vous n'avez jamais su ce qu'ils cherchaient? Ils cherchaient une preuve, peut-être. Ils cherchaient une preuve, mais qu'ils n'ont pas. Preuve qu'Antonio aurait été candidat à la présidence? Oui, ou bien que c'est quelques complots aussi, on ne sait jamais, parce qu'à cette époque, il y avait toute une histoire. Et qui se déroulait à Saint-Domingue, là on voulait l'envahir, exactement. Et comme Antonio était aux presses libres, là on recevait beaucoup de monde. Antonio, il ne faut pas le cacher, c'est un homme politique. Mais là, jamais, aucune, à ce moment-là, avec Duvalier. Mais c'est un type qu'il n'aimait pas, qu'il ne tolérait pas. Figurez-vous que, sous-estimé, il a eu, et comme ça, contact avec ce type. Antonio était ministre de l'Éducation nationale. Estimé l'a appelé, Éducation nationale et hygiène. Et Estimé est un parent par rapport à Madame Estimé, qui est notre cousine Germaine. Et puis, il dit à Antonio, bon, mon cher, je vous nomme ministre de l'Éducation nationale, mais je vais vous donner François Duvalier comme sous-secrétaire d'État. Oh! Antonio dit, président, pareil même. Il n'y aura pas de collaboration possible entre cet homme et moi. Plusieurs années plus tard, vous pensez que François Duvalier lui a fait payer? Très certainement. Parce qu'il avait envoyé les frères Victor, ça je le suis. Il voulait avoir Antonio comme ministre de son cabinet. Mais Antonio a toujours décliné l'offre, disant qu'il s'était voué à la jeunesse de ce pays. Et qu'il aimait les jeunes et que vraiment il était pris dans cet engrenage et qu'il ne faisait pas de politique. Vous n'avez eu aucune nouvelle d'Antonio après son arrestation? Jamais, une seule fois. Je vais vous dire, il semble qu'après son arrestation, on lui conduit au dessous du palais. Madame Antonio Vieux, nous capables de dire qu'il était une chance, il n'a pas disparaître. Et même, il n'a pas perdu la vie dans l'année 64, ça a eu. Là, il était fin de prendre Maril. Parce que si nous avons continué à songer événements qui marquaient l'histoire souffrance, peuple haïtien, pendant l'année ça, nous n'avons pas oublié façon répression entre Chita. Si il y a tellement de familles, tellement de monde, il y a même zone qui disparaît ou sinon qui mourit, c'est peut-être François Duvalier et Chita méthode répression sous ça. Il y a des gens supposés coupables, il y a des gens fait débarquement, il y a arrêté toute famille, il y a assassiné toute famille. Quand aucun débarqué de Tiot, yo suspect paysan ta aidé yo, yo crasé toute yon zone. Et puis red nan alantou, gen moun ki bijé sou pinga yo. C'est comme ça nous te apprendre dans zone tiot la, yon bon moun te bijé changer nom yo. Peut-être yo te signé même gens ak yon kamokin. Yo changé nom yo pour yo pas perdre la vie yo. C'est comme ça pendant l'époque Papa Doc, tout makout yo te boulé. Nous dit massacre nan Tiot, sans oublier massacre nan Casal, nan mois mars 1969 pour nous citer ça yo seulement. En 87, te gen célébration Casal pour mémoire victime yo. Et là ça moun yo te parlé. Casal ici toi monde ça ouais moun campé gendarme campé ministère. Mais ministère de pirette. Pou gla. Ou pas capable parler. Mes amis moi râlé. C'est 10 jours. Le commence le 27 mars, il finit pour 5 avril. Oui, nous c'est tout vendredi, ça va consacrer les lieux, ça peut les manger. On peut pas cacher. On peut pas coucher la journée. Souffre tout fatigué, on peut pas coucher. Dès qu'on bat frère moi, il était battu, il manque, il fin tout le net. L'homme rive en degré, il veut dire nous comme ça pour te manger bali. L'aime rivé en route, m'boté pour m'boté manger bali. Chaque côté m'rivé, vagabond y arrêté moi. Yo dit comme ça c'est Jérémy m'a pote manger bali. Yo fait m'tourner, moi monter, son l'autre monde qui contre avec moi Léontès dans ce lien contre avec moi. Il dit comme ça c'est manger la pote bail bon frère dans prison. Quitte l'ali, l'a parlé avec vagabond, vagabond dit m'met ali. Mon père, tout mon père, mon papa sorti. Maman, l'a fini de c'est pour aller en bal, c'est pour aller danser. Mais nous pas qu'on est c'est vol. Charles. Pas lieutenant Charles, Charles pas de là-dedans. C'est le lieutenant Toussaint, lieutenant Odigé, Charles m'a bien aimé, Arnold bout de poète, c'est avec Miss Garden. C'est mon ça. C'est mon ça. Charles m'a bien aimé ça, c'est mon Duvalier Villiers. C'est dans la minoterie, le travail, c'est le même. Qui forment barrière minoterie. Quand on est puis les monde vient sur la guerre, bon Dieu fait et vient la guerre. Les vini nous baille papier et puis yo demande qui je nous fait la guerre. Yo demande maman qui je fait la guerre. Maman me dit bon Dieu la guerre. Et puis ça me fait. L'aime de gaz, l'aime de porter 25 gallons gaz. C'est pas ça bon moi pas chambre gaz encore, font petit boutique, même pas chambre gaz encore. Yo prend 25 gallons gaz, yo promène dans tout pays à bouler toute caille. Gaz moi. L'aime fini. Nous sommes la ville dans samedi, m'bote 4 fois à l'ançon. Yo prend tout à l'ançon manger. M'bote 20 gallons d'huile. Yo prend 20 gallons d'huile manger. Ça nous gagne. Tout le monde cochon qui tire mi bagaille yo bon on fait tout bagaille yo prend yo débarrage caille. Mais gagne on l'argent frère non tout prend tout vide vite mais yo prend l'argent. On baille yo fait baille yo décline dernier. Oui même nous des grands caille sur connait nous. Sont monter pour la caille d'abord passer la caille. Bon nok mat grand carbone. Li gagne caille li. Dit porte pour sa petite li. L'elle vient mat là c'est voler pour le jeter. De voler dernier petit mon li violer sur carbone là. Chalma bien aimé. Chalma bien aimé. Annal bout. Moun Casal pas oublié non Bourgoyo, yo pas oublié non plus non deux combattants, Alix Lamotte avec Jérémy Eliezer qui était mouri dans jour ça et qui était coupé tête yo pour te bail François Duvalier. C'est dans même l'année 60 ça yo, Jacques Alexis avec camarade Lio, Gérald Brisson avec camarade Lio et puis en pile l'autre Camoquin mouri dans mitan bataille. Mais François Duvalier était habitué relé coucou rouge des Camoquins, des communistes annoncer débarquement Camoquin pour régler les affaires. Osnan pour troquer con acteur au pays étranger. Si nous citer non voyant garçon ça yo, ça pas veut dire pas de gain l'autre. Liste là trop long, sorti 57 rivé zone année 70 pour nous ta mettre dans une journée émission même. Liste combattant yo long en pile, liste victime répression yo long en pile tout. Depuis quelque temps n'a découvert quelque non là-dedans yo. Famille yo, zami yo a fait songer. Et dans parmi non ça yo, nous t'est tombé sous youn Félicienne Dupré qui t'est faite dans l'année 1912. Li t'est couturière. Makout arrêté le mois avril 83. Li mouri recherche criminelle après major Tassi te fin Krabinel. Les nous gardé dans journal côté photo Félicienne paraît jeune femme, nous pas pouvoir tout de suite si li fait en 1912, li te gagné 71 l'année en 1983. Qui ça? Un grand monde 71 l'année. Un couturière te ka fait pour yoté arrêté le pour Makout te arrêté le ça. Et c'est même non Tassi ça qui était déjà cité 20 années avant, en 1963, dans témoignage sous Lamantin, nous coûtait avant. Pendant l'année ça, le massacre a continué sans oublier vol à corruption. En pile monde t'a raconté fonctionnement Makoutio dans la vie tous les jours. Mettre caille, Makout pas de payer loyer, peut-être yo c'est chef. Mettre boutique, Makout pas payer, ça yo acheté. Moun Makout prend l'argent pour yo supposé ba yo protection. Dans l'état, moun makout fait non main si tout leur compétence pas ta permettre yo joindre job. C'est pas travail yo te besoin, c'est un chèque dans l'état. Affaire corruption ça pral marquer tout toute année qui pral venir après yo. Règne baby doc là.